بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله. J'ai remarqué ces derniers temps, et je commence à comprendre de plus en plus, qu'en fait la Ummah est composée de différents éléments, comme l'a dit notre prophète alayhi salatu salam, de 73 sectes, de 73 groupes. Et j'essaie de comprendre comment ça se fait qu'on est aussi divisé, comment ça se fait qu'on a des grilles de lecture si différentes, des méthodologies qui sont parfois même opposées, alors que nous suivons le même livre, nous suivons la même sunna, enfin on est censé suivre le même livre, la même sunna, et s'accrocher au même savant authentique. Mais apparemment ce n'est pas le cas. Et je crois que j'ai mis un point là-dessus, et j'ai compris d'où ça pouvait venir. Alors ça ne vient pas que de cet élément-là, il y en a des dizaines et des dizaines, mais je pense que ça vient aussi de la lâcheté de certains musulmans. Voilà. Comme c'est des gens qui sont lâches, qui comment dire, n'assument pas leur manquement, qui n'assument pas le fait qu'ils n'arrivent pas à pratiquer l'intégralité de la religion. Donc comme ils n'arrivent pas à pratiquer convenablement, et comme il est dit dans les écrits de pratiquer notre religion, ils commencent à débattre, ils commencent à discuter, à rentrer dans des grands échanges d'arguments, dans des grands textes, pour pouvoir expliquer leur lâcheté, par exemple, concernant un certain nombre de sujets, comme que ce soit le jihad défensif, que ce soit le jihad offensif, que ce soit la hijra, que ce soit tous les sujets sensibles dans l'islam au XXIe siècle, sont systématiquement débattus et toujours par les mêmes personnes, tout simplement car eux n'assument pas le fait qu'ils n'arrivent pas à pratiquer ces côtés-là de l'islam. Voilà. Donc en fait, ils justifient leur lâcheté, ils justifient leur non-application d'un certain nombre de branches de l'islam, et en viennent à contredire le Coran et la Sunna, à contredire les savants authentiques, et à être du coup, par conséquent, très dangereux pour la vérité, très dangereux pour la Ummah, très dangereux pour les personnes qui se sacrifient jour et nuit, qui sont en train de faire la guerre pour pouvoir résister aux Tarous, pour pouvoir résister aux mécréants, pour pouvoir résister aux Occidentaux. Ils finissent par être des ennemis des meilleurs éléments de la Oumma, uniquement parce qu'ils n'acceptent pas leur lâcheté. Alors que normalement, ça devrait être le contraire qu'ils devraient faire. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'essaie de pratiquer la Sunna comme je peux. J'essaie d'être sincère dans ma religion. Il y a des choses que je ne pratique pas encore. Et je demande à Allah Azzawajal de me faciliter de ce côté-là. Il y a des décisions, des grandes décisions que je n'ai pas encore prises. Et je demande à Allah Azzawajal de me faciliter par rapport à ces décisions-là, et de me montrer un chemin où je vais pouvoir me libérer, où je vais pouvoir trouver des solutions à un certain nombre de problématiques concernant le Coran et la Sunna. Je demande à Allah Azzawajal de me trouver des solutions. Mais je ne vais pas commencer à justifier ma lâcheté ou à justifier mes manquements par rapport à l'islam. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas rentrer dans un discours dangereux. Pas du tout. Si quelqu'un vient me dire qu'il est préférable pour un musulman de faire la hijra, je vais dire, bah, écoute, pas de problème, effectivement, je suis d'accord. C'est vrai que quand on pèse le pour et le contre, il est préférable de faire la hijra, même s'il n'y a pas effectivement des terres 100% musulmanes où la charia est pratiquée comme à l'époque des sahabas, etc. Il n'y a pas de souci. Je ne parle pas de ça. Entre vivre à Paris, en plein milieu du Kufr, et vivre dans une province du Yémen, ou je sais pas moi, du sud de l'Algérie, ou au Mali, ou n'importe où, en Mauritanie, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc une autre personne qui vient me dire oui par rapport au jihad défensif, tu sais, ils ont raison, etc. Nan, nan, bref, on va pas rentrer dans les détails. Et même le jihad offensif, il n'y a pas le choix et tout ça. Je veux dire, il n'y a pas de souci, je vais regarder le Coran et la Sunna par rapport à ce qu'a fait le prophète alayhissalam et les premières générations. Et je vais dire, effectivement, moi, pour l'instant, je ne peux pas participer à ça. Je suis une tapette. Voilà. Je suis une tapette. Faut l'assumer. Je ne peux pas participer à ça. Mais au niveau du symbole, au niveau de la vérité, au niveau des preuves, j'y adhère à 2000%. Mais non, les musulmans, c'est pas comme ça, maintenant, en général, qu'ils font. Ils adhèrent. Ils disent que c'est OK par rapport à ce qu'ils peuvent eux faire, mais quand ils peuvent pas faire une chose, ils en deviennent des obstacles, ils deviennent des contradicteurs en fait. Et ça, c'est vraiment fatigant. Ça me fait penser un peu aux mécréants. Quand vous venez les voir, vous venez leur parler, vous allez voir un mécréant, par exemple, en lui disant que l'alcool est interdit, que c'est très mauvais pour la santé, que ça a beaucoup de méfaits, que c'est interdit par Allah Azzawajal. Lui, comme il aime bien boire son petit verre de vin rouge, son petit rosé tous les jours, il va pas l'accepter. Il va commencer à débattre avec vous. Il va commencer à essayer de trouver des arguments, à essayer de dire oui, mais on ne force pas les gens. C'est écrit boire avec modération. Il a le choix d'acheter, pas d'acheter. Moi, je suis pas alcoolique. Certains sont alcooliques. Chacun, assume ses responsabilités. Il va commencer à rentrer dans des débats, en fait. Et vous pouvez lui apporter des preuves comme quoi l'alcool, depuis toute l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, ça crée beaucoup de catastrophes. Par exemple, ça tue 40 000 personnes en rien qu'en France, sur les autoroutes, sur les différentes routes. Vous pouvez lui dire également que ça crée des catastrophes au niveau de la structure familiale, qu'il y a des centaines de milliers d'hommes qui deviennent accros à cette boisson, à la boisson alcoolisée, et qui finissent par traîner tous les soirs dans des bars PMU, en train de jouer à des jeux de hasard, en train de discuter au comptoir avec les autres bolos comme eux, et ça devient des hommes complètement lâches qui abandonnent leurs femmes, leurs enfants, qui sont pas chez eux pour apprendre la science, qui sont pas présents au niveau de l'éducation. Ils vont aller se prendre des demi tous les soirs jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin, rentrer complètement en pépette, et voilà. Et ça crée des divorces, ça crée des catastrophes au niveau des enfants, au niveau des femmes, au niveau de la structure familiale. Mais la personne, la mécréante, ne va pas accepter. Par contre, le jour où cette même personne va perdre son fils ou sa fille, qui se sera fait faucher par un bourrin d'alcoolique avec 2,70 g d'alcool dans le sang, à 230 km/h, dans une petite ville où la vitesse est limitée à 50 km/h, là, il va comprendre, là. Là, si vous venez le lendemain lui parler de l'alcool et des méfaits de l'alcool, là, il va ouvrir son esprit, il va se mettre à réfléchir, il va adhérer, il va accepter. Tout simplement, car ça le concerne. Mais quand ça le concerne pas, il ne comprend pas. Donc, apparemment, les musulmans sont en train de devenir, ou sont devenus comme les mécréants, ont une partie de mécréance au fond d'eux, qui n'assume pas, et de mauvaise foi, d'hypocrisie et d'ignorance, et il va falloir soigner ça, hein. Parce que ça commence, sincèrement, moi personnellement, à me fatiguer, quoi. On peut pas avancer avec la Oumma, avec des éléments comme ça qui la composent. Donc faites attention aussi, les musulmans, aux gens qui écrivent de longs textes, de très beaux textes, magnifiques, qui maîtrisent la langue de Molière, qui vous font tout un baratin pour essayer de vous faire adhérer à des choses inacceptables, pour essayer de vous amener à soutenir des criminels de guerre avec leurs suppôts, leurs savants suppôts. Faites très attention à ces gens-là. Faites très très attention parce que Allah Azzawajal nous a prévenus par rapport à eux, des gens qui ont de jolis discours, mais qu'en réalité, c'est les pires ennemis de l'islam. Ils vont vous amener à du shirk, ils vont vous amener à être les opposants des plus grands représentants de l'islam authentique et de la Oumma, des défenseurs de la Oumma. Voilà, c'était juste un message que je voulais faire passer pour remettre un peu les points sur les i. Qu'Allah Azzawajal nous éprouve pour mieux nous guider et qu'il donne la victoire à tous les mujahidines qui se sacrifient pour élever sa parole à travers les terres d'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.